dimanche après-midi. Trio, c'est net à bon plaisir. Maîtresse Kaila Patela, Trio à Péchita. Musique de Nia Batterie, Trio à ta femme mélodie. Cante toi dans nous à ta poésie. Trio céleste entre des amis. Cante content nous à ta plaisir. Trio céleste entre des amis. T'as pas déparé, ni va pas t'avanter. Yo fait tol qui détaché. Si pas de bon Dieu, je m'tapéti. Tout le monde qui tape dansé, courir vite, ouais, si m'pas blessé. À la tête de grand service, t'as tourné chagrin. À la tête de grand service, t'as tourné chagrin. À la dame, là, mes amis, moi t'as trouvé ma wagon. Mes amis, au service, moi t'as pris. Mes amis, mais t'as tourné chagrin. Mes amis, oh, à la dame, là, mes amis, moi t'as trouvé ma wagon. Mes amis, au service, moi t'as pris. Mes amis, oh, à la demande, mes amis, où est-ce que tu veux ma vague, mes amis, au service, où est-ce que tu veux, mes amis, où est-ce que tu veux ma vague. Et tout n'est jamais.